Nous voici de retour avec vous, très chers invités, à bord du train de la musique, pour une petite randonnée dominicale. Nous continuerons la route avec un chanteur bien connu et qui se passe d'introduction. Et qui c'est ? Monsieur Gilbert Bécaud, que vous tous vous connaissez. Et qu'est-ce qu'il va nous chanter cet après-midi ? Voyons. Ah, si, si, si, la vie est belle, c'est le titre de la chanson. La vie est belle. Si, si, si, si, le monde est bon. Bon, bon, bon, mademoiselle, allez, ne le prenez pas sur ce ton. Quand je vous dis que la vie est belle et que le monde tourne rond bien rond. Si, si, si, si, la vie est belle. Mais oui, si, si, si, si, le monde est bon. Car il suffit d'une fille et d'un garçon pour qu'ils jouent avec la terre, pour qu'ils roulent avec la terre, pour qu'ils jonglent avec la terre comme avec un ballon. Ballon. Regarde ça, ces nuages tout blancs. Écoute ça, tous ces rires d'enfants. Amuse-toi à courir dans le vent. Si, si, si, si, la vie est belle, mais oui. Si, si, si, si, le monde est bon, bon, bon, bon, bon, bon. Mademoiselle, allez, ne le prenez pas sur ce ton. Quand je vous dis que la vie est belle et que le monde tourne rond bien rond. Si, si, si, si, la vie est belle, mais oui. Si, si, si, si, le monde est bon. Car il suffit d'une fille et d'un garçon pour qu'ils jouent avec la terre, pour qu'ils roulent avec la terre, pour qu'ils jonglent avec la terre comme avec un ballon. Ballon. Quand on se donne, il faut le faire avec joie, amour et tendresse. Sinon, ça ne rime à rien. Ça n'a pas de goût. Il faut s'aimer quand on se donne avec passion et beaucoup de tendresse. C'est ce que nous dit Madame Ginette Renaud, qui est encore une fois avec nous dans le train. Écoutons-la chanter « Quand on se donne ». Et tout d'un coup, on ne comprend plus rien. L'amour survient, la vie commence. Souvent il pleut, parfois il tonne. On risque gros quand on se donne. Avec le temps, avec des larmes aux yeux, la vie m'émeut, l'amour m'étonne. Au fil de l'eau, on voit son âme. Avec le temps, on devient femme. L'amour des hommes risque gros quand on se donne les grands bonheurs, les soirs de gym, les amours meurent, les amours vivent. Je n'ai plus peur quand ça m'arrive. On risque gros quand on à l'école, j'ai fait ma vie, je ne regrette rien, folie, ni mes paroles. Je donnerai ma vie entière pour être aimé à ma manière. À quoi ça sert tout l'or du monde si l'on est seul pour une seconde? On risque grand quand on se donne. J'ai tout donné, je ne reprends rien. L'amour m'étonne. Un peu de rythme caribéen, et pourquoi pas, avec la cadence amoureuse des Antillais. Comment ça me manque ici à Motis, hein? Beaucoup. Je donnerais des millions pour aller dans un bal où on ne joue que ce genre de musique. On est tous de debout sur un carreau sans se déplacer. Seulement les mouvements du corps qui balancent. Un jour, je le ferai. J'irai en Haïti pour me retremper dans cette ambiance caribéenne. Vive Haïti! Dis-moi, Alex, sais-tu danser ce genre de musique? Ah, il faudra que je te l'apprenne un jour. On va écouter et une très belle composition qui nous dit « Si loin de toi » avec un rythme caribéen. Ne m'oublie pas. Je serai là pour toi. Tu. Ça viendra forcément, nous dit Michel Sardou. Ah bien, il ne va pas doucement celui-là. Définitivement. il veut bousculer toute chose, hein? Je pensais qu'à Namur, il fallait aller tout doucement. Lentement et non pas forcément. En fait, écoutons-le dans son interprétation de « Ça viendra forcément ». Je ne sais ni où ni quand, ça viendra forcément. La rencontre attendue, celle qu'on n'espérait plus. Peu importe l'endroit, il fera chaud ou froid. Tout près ou loin de tout, finalement on s'en fout. Ce qui est important, ce n'est ni où ni quand, ça viendra forcément. Ça peut mettre du temps, ne pas être impatient, ne rien chercher non plus, ou on serait déçu. Elle sera tout autrement de ce que l'on attend. Mais tout de suite on saura qu'elle est venue pour soi. Ce qui est important, ce n'est ni où ni quand, ça viendra forcément. Ça viendra forcément. Ce qu'on fera, j'en sais rien. J'irai où elle veut bien. Elle aura un ailleurs de cendres ou bien de fleurs. On aura tout le temps d'en parler en y allant. C'est sans doute assez loin, elle me tiendra la main. Ce qui est important, ce n'est ni où ni quand, ça viendra forcément. Ça viendra forcément. Ça viendra L'envie d'aimer sera la prochaine musique qui vous sera présentée dans le programme de cet après-midi. Elle est chantée par un duo dont je ne connais pas les noms, mais elle est très douce. Écoutons-la. L'envie d'aimer. Soutenez les Restos du Cœur avec Les Enfoirés sur TF1 et RTL2. notre cher compère, Claude François, nous revient car il est tout près de nous dans le train de cet après-midi. Et il nous fera le plaisir de nous chanter « J'attendrai », c'est la version française de « I will be there », « J'attendrai ». Tu ne trouves personne. Viens vite, je t'attendrai. Viens vite, je t'attendrai. Ha, j'attendrai que tu me reviennes à nouveau. Oui, j'attendrai. J'attendrai longtemps s'il le faut. Oui, et si un jour tout n'est que confusion, que ce nouvel amour n'était qu'illusion, qu'à la dérive tu te laisses aller, que tu cherches une main pour te rattraper. Avant de clôturer le programme, je vais vous dire quelque chose qui est vraiment de très personnel. J'ai eu la chance, l'opportunité de rencontrer à la Chica del Tren, qui est mon élève en première année, dans une école de Mochis et dont on enseigne le français. Elle est mon élève. J'ai été vraiment surpris de voir que, après un mois et demi, disons deux mois, de français, elle a pu lire correctement. Et c'est pour ça que je suis très heureux et très fier de l'avoir avec moi, derrière le micro, dans le train de la musique, pour faire le programme. Donc, à tous ceux qui veulent apprendre le français, prenez à Alexandra comme exemple. Hein. Elle est vraiment intelligente, elle est vraiment super et je suis fier de l'avoir avec moi dans le train de la musique derrière le micro. Alexandra, merci d'être avec moi. Merci. Pour clôturer le programme d'aujourd'hui, nous le faisons avec un grand regret, car c'est toujours un plaisir de passer cette heure avec vous sur les ondes de la UDO. La grande station de todo el norte de Sinaloa. Yo soy la chica del tren. Mi nombre es Alejandra Trasviña y mis compañeros de la escuela me han bautizado así. ¿Qué les parece? La chica del tren. La chica del tren. ¿Eh? Sí. Bueno, por favor, si tienes algún comentario sobre el programa, llama a la estación al número siguiente, 818-2025, y deja su nombre y sus comentarios. Eso nos ayudará mucho para hacer mejor la próxima vez el programa. Queremos satisfacerlos a todos ustedes. Si tienen alguna canción que quieran escuchar, díganos, por favor. Yo soy la chica del tren para complacerlos a ustedes. Muy buenas tardes. Nos tenemos que ir, pero nos veremos el domingo próximo, a la misma hora, a las 4 de la tarde y la misma frecuencia, el 820 AM. Buenas tardes y hasta pronto. Qué rápido tú fuiste, ¿eh? Ay, qué rápido. Pero, ok, bye bye y a la semana prochaine. Bye bye. Vous venez d'écouter notre programme Le Train de la Musique, qui vous a été présenté par Daniel Fouché. Soyez avec nous dimanche prochain pour un programme similaire. Bonsoir et à dimanche.